نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحكام مناسك الحج والعمرة. Donc c'est le livre que nous continuons à étudier du grand savant de l'islam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le dernier cours, on a commencé à parler, ou à la fin du cours, on a commencé à parler des habits, ce qui était permis et ce qui n'était pas permis, pour ce qui est bien entendu al-muhrim, celui qui va rentrer en état de sacralisation, ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit, ou ce qui lui est conseillé, ce qui lui est déconseillé, etc. Et donc, on va continuer d'après les paroles de Cheikh al-Islam à travers son écrit, et voir donc tout ce qui se rapporte à cela, c'est-à-dire les habits pour ce qui est du muhrim. Le Cheikh avait dit, donc pour reprendre son expression, ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. C'est-à-dire donc que la personne, elle a le droit de se mettre en état de sacralisation et donc de porter les habits qui lui sont permis, toutes les catégories d'habits qui lui sont permis, c'est-à-dire à titre d'exemple, al-qutan, c'est-à-dire le coton, al-kattan, que ce soit le tissu ou les tissus, as-souf, la laine, etc. Donc tout ceci, tout ce qui est à base, tout habit qui est à base de ces produits-là, alors il est permis qu'il les prenne et qu'il s'habille avec. Il n'y a aucune interdiction par rapport à cela. وَسُنَّةُ أَنْ يُحْرِمَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ سَوَاءً كَانَ مُخَيَّطَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُخَيَّطَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. Et la sunna, donc on dit la sunna ici, bien entendu c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait son hajj. Et lorsqu'il a fait son hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est habillé de deux pièces. La première pièce, c'est celle qui va couvrir le bas, ce qu'on appelle l'izar, et la deuxième pièce, c'est ce qui va couvrir le haut, ce qu'on appelle l'rida. سَوَاءً كَانَ مُخَيَّطَيْنَ أَوْ غَيْرَ مُخَيَّطَيْنَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. C'est-à-dire que ces deux pièces, qu'elles soient cousues ou qu'elles ne soient pas cousues, il est permis qu'on les mette. Le principal donc, ce soit, pour que ce soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un izar et que ce soit un rida. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed fi al-Musnad min hadith ibn Umar, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal yuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lain. C'est-à-dire que l'un d'entre vous se mette en état de sacralisation dans un izar, un rida, donc la partie du bas, la partie du haut, wa na'lain, et ensuite deux sandales. Et que ces deux habits donc soient cousus ou non cousus. Et on avait déjà parlé, le shir va revenir, il va y revenir pour ce qui est de ce terme, mukhayyat, le fait que ce soit cousu ou non cousu. On avait dit que ce qui était interdit, c'était pas le fait que la pièce en elle-même, la pièce de tissu ou autre, c'est qu'elle soit cousue. Non. Ce qui était interdit, c'est qu'elle embrasse et qu'elle soit confectionnée suivant la forme des membres de l'homme. C'est ça qui est interdit. Et on va y revenir, Inch'Allah, dessus. Donc, tout ceci est permis. Ittifaq al-a'imma, yani par le consensus des savants. وَلَوْ أَحْرَمَ فِي غَيْرِهِمَا جَازَ إِذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ لِبْسُهُ وَيَجُوزَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْأَبْيَضِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَلْوَانِ الْجَائِزَةِ وَإِنْ كَانَ مُلَوَّ. Et également, le meilleur, c'est qu'ils prennent comme habit, bien entendu, ici c'est pour l'homme, c'est qu'ils prennent comme habit le blanc. Pourquoi on dit c'est pour l'homme? Parce que pour la femme, non. Elle doit porter des couleurs qui n'attirent pas le regard. Et bien entendu, le blanc, pour une femme, ça attire le regard. Et donc, la femme, elle s'habille, elle, de couleurs qui n'attirent pas, des couleurs qui sont foncées. Que ce soit durant le hajj ou en dehors du hajj. Ça ne change pas. Mais pour l'homme, à ce moment-là, le mieux pour lui, c'est de s'habiller avec cette couleur. C'est de s'habiller avec cette couleur, al-abiyad. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, un hadith Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, wa hadith sahih, يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض, c'est-à-dire le meilleur de vos habits, ce qui est le mieux dans vos habits, le blanc, donc les habits qui sont blancs. فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ, donc que vos vivants s'habillent avec. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, et donc entouré bien entendu par le linceul, le kafan, par le linceul, donc un linceul qui va être couleur blanc, entouré par ce vêtement vos morts. Donc le blanc est permis, c'est le mieux, mais il est également permis de s'habiller de n'importe quelle autre couleur, même si il y a plusieurs couleurs sur un seul tissu. Donc il n'y a aucune interdiction par rapport à cela. Si la personne s'habille de cette sorte, alors elle est dans la permission. Ensuite, يقول رحمه الله والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر والنعل هي التي يقال لها التاسومة فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يسير بالقطع كالنعلين ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا أصح قولي للعلماء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر. Donc ensuite le shérif va entrer dans cette question lorsqu'il a parlé de an-na'lain. An-na'lain, comme on a dit, ce sont les deux, comme on a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lain. Na'lain, c'est comme en fait les sandales, ce qu'on pourrait traduire comme les sandales. À coup les hal, on va voir que les shérifs vont employer plusieurs termes. Ici on voit pour dire an-na'l, qu'est-ce que an-na'l, il en va employer le terme ta'asuma et d'autres termes qui vont revenir pour ce qui est des habits. À coup les hal, ce sont des termes qui étaient utilisés à leur époque. Nous, le principal, c'est de savoir ce qui est voulu par ces termes-là. Et donc, on a dit un na'l, ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui par la sandale. Et à la kulli hal, pour ce qui est de cette sandale, c'est ce qui ne va donc pas aller au-dessus de ce qu'on appelle al-ka'b. Ce qu'on appelle al-ka'b. Et qui est donc, en fait, la cheville. Il ne faut pas donc que ce soit au-dessus de la cheville, mais en dessous de la cheville. Ça, donc, c'est la condition pour ce qui est de an-na'l et autres. Pour ce qui est de an-na'l et autres. Donc, pour ce qui est des sandales et autres. Et il nous dit, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ. Et si, donc, la personne, elle ne trouve pas de sandales, donc de na'l, pour reprendre le terme en arabe, de na'l, alors il lui est permis de mettre à ses pieds, de se chausser par ce qu'on appelle el-khouf. El-khouf, tout le monde connaît el-khouf. C'est en fait comme une sorte de paire de chaussettes et qui est souvent faite de cuir et que l'on trouve de nos jours. Et on voit bien donc el-khouf, c'est ce qui va envelopper la cheville. Donc ça va bien au-dessus de la cheville. Taïb. Et donc il nous dit, il nous est permis de les mettre au cas où on ne trouve pas de sandales. Taïb. وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين. Donc ici le shir, et ça va être donc son avis, car il y a un irtilaf sur cette question là il va nous dire qu'on n'est pas obligé de les couper, tout simplement lorsqu'on a dit qu'il ne fallait pas dans un premier temps que l'habit de façon générale il épouse la forme du corps ou des membres du corps exactement. Donc ici el khouf, On voit dans un premier temps que ça épouse exactement la forme du pied. Ça, c'est le premier problème. Contrairement donc à la sandale. La sandale, ça ne va pas épouser exactement la forme. Et donc, on pourrait, à ce moment-là, et le shir va nous le dire donc plus tard, faire une analogie entre ce qu'on appelle le khouf et également la chaussette. Donc la chaussette, on voit bien que la chaussette, en étant élastique, ça épouse exactement le pied. À la kulli hal, ici donc le shir, il nous dit qu'on peut les mettre, on n'a pas à les couper. C'est-à-dire donc les couper, on a vu également qu'il n'était pas permis de se chausser avec une chose qui va être au-dessus ou qui va envelopper la cheville. Et on sait que donc le khouf, ça enveloppe la cheville. Donc lorsqu'il dit couper, il fait allusion à aller couper en dessous de la cheville, c'est-à-dire couper ce qui va dépasser. Ainsi, on aura deux roufs qui seront en dessous de la cheville. Taïb. Ici, le shir, bien entendu, il fait allusion à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce premier hadith, qui est le suivant, hadith ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, muttafaqun alayhi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. Dans ce hadith, le prophète Sami nous dit que celui qui ne trouve pas de paire de na'alain, donc de sandales, alors qu'il se chausse de ce qu'on appelle el-khuf, et qu'il les coupe jusqu'à qu'elles soient en dessous de la cheville ou des chevilles. Donc on voit à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ici ce qu'on appelle rukhsa, c'est-à-dire une permission dans un cas de besoin. Cette permission dans un cas de besoin, le cas de besoin, c'est au cas où on ne trouvait pas ce qu'on appelle na'alain. Alors à ce moment-là, si on ne trouve pas un na'alain, alors il nous est permis de se vêtir de al-khuffain. Donc on voit bien ici, c'est rukhsa. C'est dans le cas où on ne trouve pas un na'alain. Alors on peut mettre al-khuffain. Taïb. Mais à une condition, c'est laquelle? C'est de les couper. C'est-à-dire, comme ici il est cité dans le hadith, حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, jusqu'à qu'elle soit en dessous des chevilles. Donc on va la couper au niveau de la cheville, jusqu'à qu'elle ne dépasse pas de la cheville, alors qu'avant, elle l'enveloppait. Taïb. Dans une des versions, et même plusieurs versions, on va voir que ce hadith, et c'est important lorsqu'on cite, on va voir que ce hadith-là, ou cette parole, donc ce hadith qui est ici une parole, hadith un qawli, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été dite alors qu'il était dans la mosquée, ou dans sa mosquée à Médine. Donc avant qu'il se mette en état d'ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versions qui vont citer cela. Nada rajulun à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi al-masjid, ya'ni al-Médina. C'est-à-dire qu'une personne l'a appelé, le prophète sallam lui a demandé, donc, pour ceux qui ne trouvent pas de na'alain. Et le prophète sallam donc lui a répondu. Donc on voit que c'est important ici le temps, de savoir à quel moment le prophète sallam il a dit cela. Pourquoi? Parce qu'on a un deuxième hadith qui va venir ici. Et c'est sur lequel il va s'appuyer le shir de l'islam, rahimahullah. Hadith qui est également muttafaqun alayh. Donc qui est du même degré quant à l'authenticité. Min hadith ibn Abbas. Et c'est également, dans le même sens, un hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Ibn Abbas yaqul, Sami'tu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yakhtub bi'arafat. Donc j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de sermonner les gens, donc de faire son sermon, bi'arafat. Donc ici, on a également une précision. On a une précision du moment où cette parole va être dite. C'est à quel moment? Bi'arafat, donc le jour de Arafat. يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. Donc ici il dit le prophète sallam, celui qui ne trouve pas de na'alain ou de sandales, alors qu'il mette le khuffain, et celui qui ne trouve pas de izar, donc la partie qui va couvrir la partie du dessous, l'izar, alors qu'il s'habille de ce qu'on appelle le sarawil, qui est le pluriel de sarwal, et qui est en fait ce qu'on pourrait traduire par le pantalon. Bien entendu, le pantalon qui est large. Le pantalon qui est large. Alors, il y a le pantalon. Et on sait que le pantalon, précisément sarouel, simplement ici, quand je dis le pantalon, c'est pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qui va être confectionné suivant les membres du corps, qui sont ici les deux jambes. Donc on voit également ici l'interdiction. Donc la personne qui ne trouve pas d'isard, et l'isard contrairement, qui est comme une pièce de tissu qu'on va mettre au-dessus donc de notre partie inférieure. Taïb. Et donc, lorsqu'on s'entoure de ce isard, on n'a pas, on ne s'est pas habillé suivant ou en recouvrant, ou plutôt en faisant embrasser chaque partie du vêtement les membres du corps. Donc il mufassal, c'est-à-dire qu'il n'est pas donc taillé suivant les membres du corps ici qui sont les deux jambes, vu que c'est uniquement une pièce de tissu. Donc on voit qu'ici également c'est une rukhsa pour celui qui n'a pas trouvé d'izar. À ce moment où il n'a pas trouvé d'izar, il a uniquement un pantalon, bien entendu le wajib pour lui c'est qu'il cache sa aura, c'est-à-dire qu'il cache ses parties, les parties intimes. Ça c'est une obligation pour lui. Donc si à un moment il ne trouve pas d'izar, s'il n'a pas d'izar, alors il lui permet à ce moment-là de mettre un sorwal, ou alors ce qui ressemble au sorwal comme les pantalons ou autre. Bien entendu ici indal haja, c'est donc une rukhsa. Ici on voit que le prophète Sam il a parlé de an-na'alayn. Et il a dit que si on ne les trouvait pas, on pouvait mettre le kufayn. Mais ici il n'a pas précisé le prophète Sam. Et il n'a pas dit qu'on devait les couper. Donc ici il y a eu un irtilaf par rapport au savant. Est-ce que on prend en compte le premier hadith, celui de Ibn Omar, et qu'on dit il faut les couper, et que donc ce hadith, il va être plus particulier que le deuxième hadith de Ibn Abbas. Plus particulier pourquoi? Parce qu'il vient citer en plus al-qat, c'est-à-dire le fait de couper. Alors que le hadith d'Ibn Abbas, il n'y a pas ici la citation du coupage des al-khuffayn. Ou alors, on va dire que ce hadith, il vient après le hadith donc de Ibn Omar. Pourquoi? Parce qu'on sait. On sait que le prophète Samuel a dit ce hadith de cette parole alors qu'il était à Arafat, alors que le hadith d'Ibn Omar lorsqu'il était à Médine, bien avant. Et donc que ce hadith là, il vient abroger le premier hadith. Et quelle est l'abrogation ici? C'est uniquement bien entendu pour ce qui est de couper al-Khuffayn. Ça a été l'avis donc de l'imam Ahmed fil Mashour. Ce qui est le plus connu de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est qu'il n'a pas donc à couper al-Khuffayn. Par contre, pour ce qui est de l'imam Malik, pour ce qui est de l'imam Shafi'i, et également une des versions de l'imam Ahmed, eux ils disent qu'il faut couper. Donc, al-Khuffayn, si au corps on n'aurait pas trouvé de sandales. Quelle va être la parole la plus forte? La parole la plus forte, c'est celle que va nous citer donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de cet avis-là. Lorsqu'il a dit, wa laysa 'alayya an yaqta'ahuma dun al-Ka'bayn. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, et ça c'est une règle, pour ce qui est donc de ce qu'on appelle at-tarjih, donc de mettre en priorité une preuve sur une autre preuve, lorsqu'elles sont en apparence contradictoires. Ici, on a un hadith qui nous cite qu'il faut les couper, et un autre hadith qui nous cite qu'il ne faut pas les couper. Al-Khuffayn, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut rassembler ces deux hadiths? Ça c'est la première étape que l'on doit faire, al-jam'. Ce que font les jurisconsultes, ils essayent toujours de rassembler les deux hadiths. S'ils ne peuvent rassembler les deux hadiths, c'est-à-dire donc trouver un avis, ou alors donner une règle qui va être en conformité avec les deux hadiths, c'est-à-dire qui va en prendre en compte la jurisprudence des deux hadiths. S'ils ne peuvent pas, alors ils vont passer à ce qu'on appelle at-tarjih. At-tarjih. Ils vont voir donc quelle va être la preuve la plus forte. Et bien entendu, tahta tarjih, il y a plusieurs méthodes. Et ensuite, s'ils ne peuvent tarjih, ils vont regarder par rapport aux dates, les dates des hadiths. Quand on dit date, c'est à quel moment ils ont été dits, pour connaître celui qui était dit en dernier. Et celui qui était dit en dernier, automatiquement, à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler un nasir. Et celui qui sera dit avant, c'est ce qu'on va appeler al-mansour, c'est-à-dire l'abrogé et l'abrogeant. Tout simplement ici, c'est ce qu'on a appliqué, ou c'est ce que les savants ils ont appliqué, comme l'imam Ahmed, ceux qui l'ont suivi. Ils ont dit, on a bel et bien les dates de ces deux hadiths. Le premier c'était à Médine, et le deuxième c'était à Arafat. Donc il y en a un qui est retardé et l'autre qui est avancé. une parole du prophète qui était dite suivant un ordre chronologique. C'est-à-dire donc, le hadith d'Ibn Abbas, il a été cité après le hadith d'Ibn Omar. Et donc, à ce moment-là, on va dire que c'est ce hadith al-Nasir et que hadith d'Ibn Omar al-Mansour. Donc, le hadith d'Ibn Abbas, c'est celui qui abroge, et le hadith d'Ibn Omar, c'est celui qui va être abrogé. Tout simplement. Et donc, à ce moment-là, on va dire qu'on n'a pas à couper. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé cela. Dans cette dernière parole, lorsqu'il a dit, man lam yajid na'alayn falyalbis khuffayn. Il n'a pas dit, falyaqta'uhuma. C'est-à-dire, il n'a pas dit, il faut qu'il les coupe. Ensuite, si la personne ne trouve pas de sandales, et elle met donc elle khuff, est-ce qu'il aura une fidya ou pas une fidya? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura donc une compensation par rapport à cela ou pas? Faut savoir que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, ils ont dit oui, il y a une compensation. Alors que les autres savants, ils ont dit il n'y a pas de compensation. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, n'a pas cité de compensation. Il a dit, il se chose des al-khuffayn, et il n'a pas cité de compensation. Et donc ça, c'est la parole et l'avis le plus fort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compensation. Et que c'était donc dans un état de besoin, et qu'on a une rursa, une permission par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité en aucun cas une compensation. Au cas où on aura à s'habiller, soit avec al-khuffayn, ou alors avec sarawil, également avec sarawil, car il est question également de cela dans le hadith. Et donc il nous dit le shir, ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب أو الجمجم والمداس. Donc tout ceci, c'est des choses qui vont ressembler en apparence donc à al-khuf, des noms que le shir a cité. C'est permis donc de les mettre, des choses qui sont en dessous de al-karben. Il dit bien أن يلبس ما دون الكعبين. Donc tout ce qui est en dessous de al-karben qui ressemble à al-khuf, il nous est permis donc, dans le cas où on ne trouve pas de na'alain, il nous est permis donc de les mettre également. Il nous dit sawan kana wajidan lin na'alain aw faqidan lahuma. C'est-à-dire qu'il nous dit même ici le shir qu'on trouve donc des na'alain ou qu'on ne les trouve pas. Il nous est permis de nous vêtir de ces choses-là. Le principal c'est que ce soit en dessous de karben. وإذا لم يجد نعلين ولا يقوم مقامهما مثل الجمجمة والمداس ونحو ذلك فلو أن يلبس الخف ولا يقطعه. Et donc s'il ne trouve pas tout ce qui est, tout ce qui va être donc, tout ce qui ressemble à na'alain, alors il lui est permis de s'habiller de ce qu'on appelle à ce moment-là de al-khuf wala yaqta'u. Et donc il insiste ici, il dit on n'a pas donc à les couper. Et lorsque j'ai dit donc pour ce qui était al-jumjum ou al-khuf al-muka'ab, en fait ça ressemble au na'alain, na'am, ça on sait pas quelque chose qui va ressembler à al-khuf, mais c'est des choses qui ressemblent donc au na'alain. Et donc des choses qui sont en dessous à la base de, en dessous de les chevilles. Donc il nous est permis de nous vêtir avec ces choses-là tant que ça ressemble au na'alain. Donc on y trouve un na'alain ou qu'on n'est pas trouvé un na'alain. Na'am. Par contre, pour ce qui est de al-khuf, on s'habille avec le khuf si on ne trouve pas à ce moment-là de na'alain. Tayyib, si on ne trouve pas de na'alain à ce moment-là, on s'habille al-khuf. Na'am. Ça c'est une précision par rapport à ce qu'il a dit le shir. Donc de même pour ce qui est de al-izar, il s'habille et il prend as-sarawil, donc il parle de sarwal. Et donc on sait ce qui ressemble au pantalon. Wala yaftaquhu hadha sahq lil ulama. C'est-à-dire qu'il n'a pas à le déchirer ou alors à le couper ou etc. Il le laisse comme il est. Et ça c'est la parole la plus forte des savants. Ensuite, il nous dit wakadhalika yajuz an yalbisa kullama kana min jins al-izar wa al-rida. فلو أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنوس والسراويل والخوف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله. Donc ici le cheikh il va nous parler pour ce qui est maintenant de Al-Izar ou Al-Rida, donc la partie du bas et la partie du haut. Il nous dit tout ce qui ressemble et tout ce qui rentre dans cette catégorie, ce qu'on pourrait appeler donc Al-Izar ou Al-Rida, donc suivant les tissus, suivant les catégories, etc. Le principal, c'est que ça ressemble donc à ce qu'on appelle Al-Izar ou Al-Rida. Et il nous dit, il lui est permis donc qu'il s'enveloppe Bil-Qaba ou Al-Jubba. Donc ça, ce sont également des termes qui sont employés ici, comme l'exemple de Al-Jubba, c'est comme un manteau. Également Al-Qamis, il a le droit de s'envelopper dans une Qamis. Il a le droit donc de s'envelopper, arban, c'est-à-dire qu'il prend la qamis ou qu'il prend le manteau, et qu'il le prend donc en prenant le haut et le bas, ou alors, comme il dit, yaj'alu asfalu a'lahu, wa yatarattab al-lihaf wa ghayrihi, c'est-à-dire qu'il met la partie du manteau, celle qui est en fait le haut, il le met en bas, et le bas, il le met en haut. Taïb, donc il lui permet de faire ça, s'il veut simplement s'envelopper et se protéger du froid, il lui permet de faire cela. Ou alors qu'il le prend en arban, c'est-à-dire qu'il le prend donc en horizontal, pas en vertical le manteau, et qu'il se recouvre avec. Cela donc, il lui est permis de le faire. Le principal donc, comme on va voir, c'est qu'il ne s'habille pas avec, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas, par exemple, ses bras dans les manches. Uniquement, il a le droit donc de s'envelopper dedans. Et il nous dit qu'il n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit de se recouvrir la tête, sauf dans un cas de besoin. Et il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on s'habille avec al-qamis, qu'on s'habille avec al-burnous. Donc al-burnous, qui est ce vêtement, qui est un vêtement le plus souvent avec une capuche, et qu'on retrouve surtout au Maroc, les gens s'habillent au Maroc avec ce qu'on appelle le burnous, ou le sarawil, donc on a dit ce qui ressemble au pantalon, ou le khouf, on l'a dit, ou l'imama. L'imama, tout le monde connaît ce qu'est l'imama. Ou anahaoum, donc tout cela c'est interdit. Sauf bien entendu en cas de besoin, comme on a vu à titre d'exemple le sarawil ou le khouf. Ou anahaoum an yurattu ras al muhrim ba'd al mout. C'est-à-dire que si une personne elle meurt, comme cela est arrivé durant le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un des compagnons est mort, qu'est-ce qu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait Sahih al-Bukhari, et également fait Sahih al-Muslim, lorsqu'il est mort, et donc il est en état d'ihram, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, irsulu bima'in wa sidr, c'est-à-dire lavez-le avec de l'eau et du sidr, wa kaffinuhu fi thawban, et donc enveloppez-le avec les deux habits, donc ici al-izar wa al-rida, wa la tuhammituhu. C'est-à-dire donc, là c'est-à-dire ne lui mettez pas tout ce qui va entrer dans le parfum, donc le parfumé, parce que ça c'est interdit bien entendu pour le muhrim. Voilà tu khammiru ra'sahu. La tu khammiru bima'na la tu rattu, c'est-à-dire ne recouvrez pas sa tête. Également, ça c'est une interdiction pour ce qui est du muhrim. فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va le ressusciter et il sera en train de dire لبيك اللهم لبيك, c'est-à-dire مُلَبِّيًا, en train de dire التَّلْبِيَ Allahu Akbar. هذا من حديث ابن عباس. Donc ça c'est une preuve que la personne elle n'a pas le droit de porter ses habits, et que la personne qui meurt en état d'ihram également on n'a pas le droit de lui faire porter ses habits. وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله. Et également on sait que le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'on avait vu le dernier hadith dans le dernier cours, il avait vu une personne qui ici ça, il était habillé d'une sorte de manteau, donc le jubba, c'est-à-dire qu'il avait mis ses bras dans les manches, etc. C'était pas simplement il s'était recouvert avec le jubba, et le prophète صلى الله عليه وسلم donc lui a ordonné de l'enlever. Donc on sait que cela est interdit de s'habiller de cette sorte. De même pour ce qui est al-qamis et tout ce qui rentre dans al-qamis, tout ce qui va donc tout ce qui est de la même sorte. Wa laysa lahu an yalbisa al-qamis la bikum wa la bi ghayrikum, c'est-à-dire que ce soit avec des manches ou alors sans manches. On voit que des qamis qui sont donc à courte manche et d'autres qui sont à longue manche, c'est interdit dans les deux cas. Sawa'an adkhala fi yadayhi aw lam yudkhilhuma aw lam yudkhilhuma, c'est-à-dire qu'il a rentré ses deux mains à l'intérieur, qu'il n'a pas rentré ses deux mains. Wa sawan kana saliman aw makhruqan, que donc ses qamis elles soient dans un état sain, c'est-à-dire donc qu'elles qu'il n'y ait pas de coupure ou autre. وَكَذَلِكَ لَا يَلْبِسُ الْجُبَّةِ وَلَا الْقَبَى الَّذِي يَدْخُلْ يَدَيْهِ فِي c'est-à-dire الَّذِي يُدْخَلْ يَدَيْهِ فِي c'est-à-dire qu'il n'est pas permis également de porter cela, ce qu'on a dit الْقَبَى وَالْجُبَّةِ donc ces sortes de manteaux, lorsque on peut y rentrer nos mains dedans. وَكَذَلِكَ الدِّرْعُ الَّذِي يُسَمَّى عَرْقَ الْجِينِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ et donc encore, nous dit le shir comme الدِّرْعُ tous des termes donc qui vont dans le même sens, c'est-à-dire des habits qui sont confectionnés donc suivant le corps ou suivant les membres du corps. وَأَمَّا إِذَا طَرَحَ الْقَبَعَ عَلَى كَتِفَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ يَدَيْهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ لَا يَلْبِسُ الْمَخِيطَ sauf que pour ce qui est donc le qaba et autres, si par exemple il le met uniquement sur ses épaules sans même rentrer ses manches à l'intérieur, alors il dit ici niza fihi niza, c'est-à-dire qu'il y a une divergence auprès des savants. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ لَا يَلْبِسُ الْمَخِيطَ c'est-à-dire donc ça c'est le sens tout ce qu'il a cité auparavant, c'est le sens que les juristes consuls ils ont donné à ce terme lorsqu'ils ont dit la yalbis ou le makhit. Donc le makhit c'est tout ce qui va être, comme on l'a dit, tout ce qui va être mufassal ala qadri a'da al jism, c'est-à-dire tout ce qui va être confectionné, tout ce qui va être cousu suivant donc les membres du corps. Wal makhit ma kana min al libas ala qadri al ud. Non, donc le shir ici le dit. Wa kadhalika la yalbis ma kana fi ma'na al khuf kal muq wal jawrab wa nahw dhalik. Et de même donc il ne met pas ce qui va être comme Al-Khouf, à titre d'exemple Al-Mouq ou Al-Jawrab, Al-Jawrab qui est en fait comme les chaussettes, taïb, donc il ne met pas cela. Tout ce qui va entrer dans Al-Khouf. Wa nahwa dhalik. Wa la yalbisu ma kana fi ma'na as-sarawil kattaban. Donc tout ce qui est comme les pantalons. Donc il est interdit qu'il mette ces choses-là, comme le pantalon ou kattaban. Qui est en fait une sorte de pantalon, mais qui est encore plus court, c'est-à-dire qui s'arrête au genou, etc. Donc tout ça, c'est pas permis de les mettre. On a vu, sauf, bien entendu, dans un cas de besoin, pour ce qui était de As-Sarawil, pour ce qui était de Al-Khouf, et ce qui rentre dans Fimarna Al-Khouf, comme par exemple Al-Jawrab, comme par exemple les chaussettes, uniquement donc dans un cas de besoin, comme on l'a vu auparavant. Sinon, à la base, il ne nous est pas permis de mettre ces choses-là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Tout simplement parce qu'il faut que j'arrête le cours. Donc, s'il y a quelques questions, et on terminera le cours, Inch'Allah. Certainement pas la semaine prochaine, parce que ce sera l'Aïd. Ce sera la fête. Donc, la semaine d'après, bi'idhnillah.